Chapitre 2. Le genre de vie qu'il menait dans son château n'était guère moins surprenant. Ce château était situé au fond du Berry, sur une petite colline. On y montait par un chemin de travers sinueux et tortillé comme un serpent. Sa toiture détachait dans le ciel 5 cônes ardoisés, surmontés de girouettes et de gros trèfles en plomb. C'était, vu à distance, avec ses sombres tourelles et ses flancs massifs, un bâtiment d'un goût sévère. Outre que le caractère de son architecture témoignait d'une haute antiquité, ce château portait pour chevron de vastes lézardes sur ses murs vieillis au service. Les hirondelles et les pigeons sauvages faisaient leur nid entre les fentes des pierres. Ce château regardait sur un parc très épais qui en masquait absolument la façade. Les derrières du bâtiment étaient couverts par des murs élevés, des pignons, des tourelles, et par quelques maçonneries récentes du dernier siècle, engagées dans les anciennes constructions pour les fortifier. La porte d'entrée, gardée de chaque côté par deux tourelles délabrées qui menaçaient ruine, était piquée extérieurement de gros clous à tête ronde. Elle étalait avec orgueil, sur ses panneaux vermoulus, des pieds de sanglier, des bois de cerf, des têtes de hibou et des ailes de milan dont les plumes tombaient de vétusté. Ces insignes du chasseur avaient été fixés au bois de la porte par des ancêtres de la famille, car le maître actuel du château ne se livrait à aucun de ces exercices violents dont essayent encore de nos jours les riches propriétaires pour rompre l'uniformité monotone de la vie de province. Rien de plus triste, à en juger par les abords, que cette habitation de la famille de B. Ce château où le retour de ses maîtres avait amené chaque année, au printemps, le luxe et le tumulte de Paris, semblait maintenant tout à fait abandonné. La solitude la plus morne et la plus éternelle qu'on puisse imaginer régnait autour de ses murs. L'avenue plantée d'ormes, qui conduisait à la porte du parc, avait recouvert son ancien sable fin et doré sous une couche d'herbe. Les conduits chargés de fournir de l'eau dans les bassins refusaient leur service et une partie des murs tombait en ruine, sans qu'on songeât le moins du monde à les relever. Cependant, le séjour prolongé des châtelains aurait dû contribuer à la bonne tenue de la maison. Ici, comme à Paris, les propos s'exerçaient sur cette conduite extraordinaire. La vie désœuvrée de province invitait même à 1000 discours curieux et médisants. Mais les propriétaires des environs ne purent pas plus pénétrer que les voisins de Paris dans le secret d'une vie si bien murée. Aucun étranger n'était reçu au château. Les fermiers eux-mêmes, qui avaient à traiter avec leur maître, n'entraient jamais dans l'intérieur du bâtiment. Le comte leur donnait audience sur le pont-levis. Nous avons en effet oublié de dire que le corps de l'édifice se trouvait gardé dans tout son pourtour par un large fossé où se déchargeaient, au temps des pluies, les gouttières de la maison. C'était la seule eau qu'ils reçussent depuis que les conduits engorgés ou crevés, par la négligence des maîtres, n'y charriaient plus l'onde des sources. Le comte se tenait debout. Il accueillait ses gens avec une politesse froide. Sa parole était brève et rare. Un nuage de sombre tristesse, répandu sur son front découvert et sur ses yeux abattus, laissait impénétrable pour tous le secret d'une douleur à laquelle manquait sans doute toute consolation, puisque la richesse, le commandement et la prospérité toujours croissante de ces domaines n'y pouvaient rien adoucir. Ces fermiers étaient, aux corvées près, de vrais vassaux pour le respect et la soumission. Le pays, encore peu traversé de routes, de journaux et de voyageurs, n'avait pas jusqu'ici ouvert à la Révolution les moyens d'y pénétrer. Ceci justifie le titre de seigneur que nous aurons occasion de donner aux propriétaires du château dans la suite de cette histoire. Ils n'avaient donc rien à craindre, de témoins aussi muets et aussi passifs. Ces gens respectaient la douleur du comte par instinct, comme les enfants qui évitent de rire et de faire du bruit autour de leur mère quand ils la voient triste. À part ces courtes entrevues commandées par les affaires, M. de B. n'avait de commerce dans le pays avec personne. Il vivait mystérieusement seul. Autour du château, si bien défendu par ses gros murs et ses feuillages, s'étendait ce silence profond et particulier qui ne se fait qu'autour des grandes infortunes. La curiosité du pays portait principalement, comme celle de la ville, sur la fille du comte, bel enfant qu'on avait montré autrefois avec orgueil, et qui avait soudainement disparu. La petite Vérole l'aurait-elle défigurée? Serait-elle, par hasard, devenue avec le temps un monstre fort repoussant, qu'on n'osait plus exposer au regard pour l'honneur de la maison. Aurait-elle commis contre les mœurs une de ces fautes qui, dans certaines familles anciennes et austères, entraînent après elles un deuil éternel? On ne savait.